الملائكة في سجد القبر. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني في الله، ربما ستكون مفاجأة للبعض، ولكن الإخوان الآخرون كانوا على علم، ولكن هذا اليوم الحمد لله الشيخ رمزان حفظه الله قبل المجيء إلى منفضة، وإن شاء الله سيلقي محاضرة ما بين المغرب والعشاء. Donc les frères, je pense qu'il y a certains qui sont surpris un peu, mais Inch'Allah, c'était la dernière minute. Donc Alhamdulillah, le Cheikh Ramzan est là, c'est de venir chez nous pour faire une heure de cours et, entre le Maghreb et l'Isha, Inch'Allah. Donc profitez-en, Inch'Allah, soyez concentrés. Et Jazakallah khair al jazak. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء. نعم. Après خطبة الحاجة، الشيخ رحمه الله تعالى remercie الله عز وجل de nous avoir donc favorisé pour cette rencontre. أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد. Je remercie ensuite toutes les personnes, tous les frères qui s'occupent de cette mosquée. فهذا عمل صالح يجمع شمل المسلمين. C'est une très bonne action qui réunit les musulmans. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة بنى المسجد. La première fois que le هذا لا تحرك تكلم. La première fois que la première chose que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait lorsqu'il est arrivé à Médine, c'est de construire la mosquée. لأن المكان المبارك يجمع الشمل. Car l'endroit béni réunit les musulmans. وليس هناك مثل المساجد. Il n'y a pas d'endroit comparable aux mosquées. فأكرر شكري للإخوة الذين قاموا على هذا المسجد وهيئوا. Le Cheikh répète donc son remerciement et toute sa reconnaissance pour les frères donc qui s'occupent de cette mosquée. سمعت الإمام قبل قليل يقرأ في الصلاة. Il dit ensuite, Hafidhahu Allah Ta'ala, qu'il a entendu l'imam lire dans la prière. Qawluhu Ta'ala, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Il a entendu le verset suivant lu par l'imam: ô mes serviteurs qui vous êtes fait du mal outrageusement à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Kunt fi nafsi مهيئ موضوع. Le Cheikh avait déjà préparé donc il avait déjà préparé un sujet. ولكن هذه الآيات كلام الله أثارت في نفسي أن أتناولها. Seulement les versets entendus dans la prière, lors de la prière, ont eu un impact sur le Cheikh, et donc il va parler de ce sujet-là. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah dit: ô mes serviteurs qui vous êtes fait du mal outrageusement à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne l'ensemble des péchés. Il y a un autre micro. L'imam. بدل ما نسحب هنا ونرد هنا مع الأخ الشغل ممتاز قل يا محمد لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم هذا نداء من الله عز وجل وخطاب لجميع خلقه المكلفين. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, appelle son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc un khitab, c'est aussi donc un khitab, un discours qui s'adresse à l'ensemble des musulmans. Il dit, ô mes serviteurs, et ceci donc est une qualité, une caractéristique. وهم الأنبياء والرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم نحن نقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Cet appel يا عبادي englobe les meilleures des créatures qui sont les prophètes et les messagers et englobe également donc le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم pour lequel nous attestons qu'il est le messager et le serviteur d'Allah, le abd. هذا الاسم الشريف المبارك وهو شرف العبودية. Et ceci donc, ce nom de abd, de serviteur, est donc l'honneur de la servitude. من هو العبد؟ Qui est le serviteur؟ العبد هو الذي خضع وذل لله. Le serviteur est celui qui se soumet et qui s'humilie. Il s'humilie devant Allah et non pas pour lui-même ni en fonction de ses passions, de ses désirs. La servitude, c'est donc Arli, de s'humilier et de se rabaisser. خاضع ذال لله منفذ لأمره. Est-ce que toi donc pose-toi la question. Est-ce que tu te rabaisse, est-ce que tu t'humilies devant Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu mets en application ses ordres? مراتب الناس في العبودية تختلف. Et les gens donc dans la servitude sont de différents niveaux, de différents degrés. بل أنت في نفسك مراتبك مع الأيام تختلف. Et même toi, selon les jours, selon les époques, eh bien donc ton degré de servitude, de ubudiyya n'est pas le même. رمضان مقبل. Le mois de Ramadan approche. هل نحن قبل رمضان مثل رمضان؟ Est-ce que nous sommes avant le mois de Ramadan et pendant le mois de Ramadan semblables? Ajib. Pourquoi? Et donc, bien sûr, nous ne sommes pas semblables, nous ne sommes pas les mêmes avant et pendant Ramadan, car lors du mois de Ramadan, donc, il y a tout ce qui va nous amener, tout ce qui va nous pousser à nous soumettre, à nous humilier devant Allah, vont s'élever, vont venir donc s'ajouter les unes aux autres. Pendant le mois de Ramadan, ce qui est interdit est toujours interdit. Pendant le mois de Ramadan, même les choses qui sont même permises vont devenir autorisées. L'eau, par exemple, est permise en dehors du mois de Ramadan. Alors que lors du mois de Ramadan, elle devient interdite. Pourquoi ? Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a soumis à cela. Donc Allah azza wa jalla nous a interdit cela pendant les journées du mois de Ramadan. Les choses donc qui étaient autorisées deviennent interdites et cela va donc nous pousser encore au plus à nous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est la servitude, s'humilier, se rabaisser et aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant ce qu'il a ordonné et en s'éloignant de ce qu'il a interdit. Avec les actes, avec les paroles, qu'elles soient cachées ou apparentes. قل يا عبادي الذين أشرفوا ما معنى الإشراف؟ Dis aux mes serviteurs qui vous êtes fait donc du mal outrageusement à vous-même, que signifie cela? هو المجاوزة. C'est le fait donc de dépasser la limite. أشرف على نفسه أي تجاوز وزاد عليها. Celui-là donc aura dépassé la limite et aura même rajouté. لماذا أشرفوا على أنفسهم؟ Pourquoi est-ce qu'ils se sont fait du mal, donc outrageusement à eux-mêmes? Ils ont dépassé les limites dans ce qui met Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? Le repentir. لا تقنطوا من رحمة الله. Dis ô mes serviteurs qui vous êtes fait du mal outrageusement à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. رحمة الله. La miséricorde d'Allah. لمن سعى لها. Pour celui donc qui va vers cette miséricorde. لأن هناك من الناس من يترك رحمة الله. Car certains parmi les hommes délaissent la miséricorde d'Allah. ويمشي في غضب الله. Et plutôt donc marche vers la colère d'Allah. Les savants du tafsir disent que le verset qui donne le plus d'espoir dans le livre d'Allah et celui qui donne le plus de joie aux pécheurs, ceux qui vont vers le repentir, ce verset-là. Dis, ô mes serviteurs qui vous êtes fait du mal outrageusement à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. قد يأس أن يتشمله رحمة الله أصبح يائس. Donc le القنوط يعني le désespoir. أحسنت. Le désespoir donc de la miséricorde d'Allah يعني va faire que la personne يعني va c'est un synonyme se désespérer délaisser donc la miséricorde d'Allah et le fait d'y aller vers. فبعض الناس يقول Certains disent, je suis tombé dans le polythéisme. Dans les innovations. J'ai mangé de l'argent de l'intérêt. De ce qui est interdit. J'ai commis l'adultère. Bu l'alcool. Pourquoi est-ce qu'Allah va me pardonner? C'est terminé, Allah s'est mis en colère contre moi. Allah ne va pas accepter ma miséricorde. Il va donc m'amener en enfer. Donc je continue dans mes péchés. Non. Celui qui se repent, Allah accepte son repentir. De quoi donc? De n'importe quel péché. De n'importe quel péché, quel qu'il soit. Il faut donc te repentir avant de mourir. Allah dit dans un autre verset, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. Mais en dehors de cela, en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. وَهَذِهِ الْآيَةِ. Ce verset. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Et ce verset, donc, certes, Allah pardonne l'ensemble des péchés. مَا مَعْنَى الْآيَتَيْنِ. Que signifient les deux versets? إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. لِمَن مَاتَ عَلَى الشِّرْكِ. Pour celui qui meurt sur le polythéisme. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءَ. Et il pardonne à qui il veut en dessous de cela. مَاتَ عَلَى الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي. Si la personne donc meurt sur ses péchés et ses désobéissances. تَحْتَ مَشِيئَةِ اللَّهِ. Donc ce dernier est sous la volonté d'Allah. S'il veut, Allah lui pardonnera. Et s'il le veut, eh bien donc il le châtiera. Que signifie donc le verset « Certes, Allah pardonne l'ensemble des péchés » C'est pour celui qui se repent avant de mourir. Quelle est la preuve de cela ? Le verset suivant où Allah donc se définit comme Al-Ghaffar, celui qui pardonne énormément. Pour celui qui se repent, qui croit et qui fait de bonnes actions et ensuite choisit le droit chemin. Donc le fait de lier entre les versets les paroles d'Allah nous montre l'immense miséricorde d'Allah. Donc toi qui t'es fait du mal à toi-même, ne désespère pas. Car très certainement, Allah pardonne l'ensemble des péchés pour celui qui se repent. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, et très certainement, je suis celui qui pardonne énormément. Pour celui qui se repent. Amen. Pour celui qui croit et qui fait de bonnes actions et qui a ensuite donc semé sur le droit chemin. Et à partir de ces versets, les savants ont dit que le repentir avait des conditions. Donc, je pardonne beaucoup pour celui donc, et je pardonne pour celui يعني كي سوربان لمن تاب إذن التوبة من الذنوب. Donc le repentir se fait sur les péchés. فيقول العلماء من شرط التوبة ترك الذنب. Les savants disent donc à partir de cela que parmi les conditions du repentir il y a le fait de délaisser les péchés. وقع في الشرك. Quelqu'un est tombé dans le polythéisme. ذبح لغير الله. A égorgé pour un autre qu'Allah. نذر لغير الله. A fait un vœu pieux pour autre que lui. حلف لغير الله. Juré et fait un serment pour autre qu'Allah est tombé dans le polythéisme. Celui-là donc la chose la plus importante pour lui c'est qu'il revienne, c'est qu'il se repente. Il est tombé dans une innovation et elles sont nombreuses dans les paroles, les actes. Quelle est l'innovation? Qu'est-ce que c'est? Al Rasoul sallallahu alayhi wa sallam wal khulafa sahabatihi. Quelle est l'innovation? L'innovation, c'est ce qu'en a pas fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni béni, ni khulafa, ni compagnie. Ma lam yaf'al Rasoul sallallahu alayhi wa sallam wa sahaba la taf'alah. Ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba n'ont pas fait, ne le fait pas non plus. Dans les choses de la religion. Celui qui fait scission avec le messager et qui suit un autre chemin après que la guidée lui soit venue et suit un autre chemin que celui des croyants, nous le laisserons comme il s'est délaissé et nous le ramènerons en enfer. Quelle mauvaise destination. Celui qui fait scission avec le messager, c'est-à-dire d'avec la sunna. Après que la guidée lui soit parvenue, c'est-à-dire que le Coran lui soit parvenu. Le Coran, dans de nombreux versets, est qualifié de guidé, de droit chemin. Et qui suit le chemin, un autre chemin, pardon, que celui des croyants. Qui sont les croyants dans le verset? Ce sont les compagnons. ولذلك دائما تسمعون العلماء يقولون لابد أن تعتني بالقرآن والسنة على فهم الصحابة. C'est pour ça que l'on entend très souvent les savants dire et répéter, il faut que tu prennes du Coran, de la Sunna avec la compréhension des Sahaba. Personne ne peut venir avec une compréhension qui vient de lui-même. Si on vient avec ta compréhension des textes et la compréhension des Sahaba, de qui est-ce qu'on va prendre, des Sahaba ou de toi? Les compagnons sont donc ceux qui ont suivi le messager sallallahu alayhi wa sallam et qui ont suivi la religion. Ce qui ne faisait pas partie de la religion à l'époque n'en fait pas partie aujourd'hui. Nous n'avons pas de religion nouvelle. La religion est ancienne. Si quelqu'un donc fait une innovation, on lui dit non. Le messager sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, de même que ses compagnons. Mais il va dire, mais je ne fais que du bien. On lui dit, mais si c'était un bien, alors donc les sahaba l'auraient fait avant toi. Est-ce que tu te rapproches de cela, avec cela d'Allah? La religion est complète. Elle n'a pas besoin qu'on y rajoute quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion. Et j'ai accompli sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Est-ce que ce qui est complet doit être complété ou alors est-ce que c'est déjà complet? C'est déjà complet. Mais celui qui dit qu'il vient avec quelque chose de nouveau, c'est comme s'il prétendait, s'il pensait que la religion avait un manquement et qu'il devait venir avec quelque chose de nouveau. C'est pour cela que les a'imma ont dit que celui qui faisait une innovation s'oppose à sahib al-shari'a, s'oppose au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme s'il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ta religion est incomplète et nous venons la compléter. Et nous avons connu des choses que toi tu n'as pas fait et donc nous les faisons. C'est pour ça que les savants disent que tout ce qui a été rajouté dans la religion est renvoyé vers celui qui l'a fait. Avec quoi ils ont dit cela? Avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'a-t-il dit? Celui qui innove une chose qui ne fait pas partie de notre religion sera rejeté. Et celui qui vient avec une chose nouvelle, eh bien, qu'il sache que cela sera renvoyé, qu'il ne se fatigue pas. Même s'il fait beaucoup d'efforts dans cela, cela ne fait pas partie de la religion. Celui qui vient avec une chose de la religion, qu'il sache que la religion est terminée. Cela est fini depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الأحكام الفقهية الطارئة. Et ceci donc dans les adorations et les règles du fiqh. هنا يأتي اجتهاد العلماء في ما لم يأتي فيه الدليل. يعني dans les choses qui sont nouvelles, qui correspondent aux époques, les savants donc vont faire un effort de compréhension. مثل طفل الأنبوب. Non. بارك الله فيك. Par exemple, donc l'enfant dans les prophètes. Cela n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont fait un effort de compréhension en donnant des décrets religieux. Et cela donc s'appelle ijtihad, l'effort de compréhension. Et ceci donc vient dans le domaine de l'illicite et du licite. Et c'est dans cela qu'il y a l'analogie, le qiyas. Comme la drogue, le hashish. Et l'alcool. L'alcool, il y a déjà un texte dessus. Pourquoi est-ce que les savants donc, ont interdit la drogue ? Ils l'ont mis au même niveau que l'alcool. Car l'alcool est une base. Et le hashish est une branche de cela. Mais pourtant, donc, il y a un point commun, c'est donc que la personne devient saoul et perd sa raison. Et le jugement de cela est l'interdiction. Ils ont pris donc la branche. Ils ont pris donc la base pour juger sur la branche. Car c'était donc la même chose. Yarni que cela donc enlevait que la personne devenait ivre. Et donc, les piliers de l'analogie sont regroupés. La base. Donc, il faut qu'il y ait dans le qiyas quatre piliers qui sont la base, la branche, le jugement et le point commun. Et ceci donc est un résumé du qiyas, de l'analogie. Et à la Jamira, à l'université, donc cela s'étudie à un semestre. Quant aux adorations, il n'y a pas d'effort de compréhension. Et il n'y a pas non plus d'analogie. Qu'est-ce qu'il y a donc ? L'ordre d'Allah. L'ordre d'Allah, un verset dans le Coran. L'ordre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un hadith. Authentique dans la sunna. Quelle est la preuve de cela? Allah a dit: mets-toi sur le droit chemin comme il t'a été ordonné. Et ce qu'il n'aura été ordonné que d'adorer Allah uniquement. Et d'être penché donc du shirk, s'éloigner du shirk, d'accomplir la prière, d'acquitter la zakat, et ceci est la religion de droitude. Ceci est la religion droite. Et la religion donc est un ordre. Donc la religion ne vient pas donc de la compréhension, du aql, de la raison. Et ne vient pas donc de la compréhension de toi ou de moi. Un verset ou un hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui innove dans la religion, rajoute une chose nouvelle, alors donc cela sera rejeté. Donc ne sois pas en contradiction. Et si tu contredis, alors tu es donc sous la menace. Quelle est la preuve de cela? Allah a dit, فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Allah a dit donc, et que ceux qui contredisent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors donc qu'il prenne garde d'un trouble ou d'un châtiment douloureux. Donc la religion ne revient pas à nous, c'est un verset ou un hadith authentique. فإذا وقع في خلاف ذلك وقع في ما يسميه أهل العلم البدعة. Et si on tombe dans la contradiction à cela, on tombera dans ce que les savants appellent l'innovation. فتش في نفسك في أقوالك في أفعالك هناك بدعة قولية. Donc il y a des innovations dans la parole, في الأذكار, dans les évocations, في طريقة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, dans la manière de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venue dans le Coran, est venue également dans la Sunna. Ne dépasse pas cela. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله صلى الله عليه وسلم فيستشهد بهذه الآية ويمارس فعل خلاف السنة. Beaucoup de gens aujourd'hui donc écrivent, inventent de nouvelles façons de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nombreuses lignes, et se servent du verset très certainement Allah et les anges prient sur le prophète, priez sur lui et saluez-le donc beaucoup. نقول دليل صحيح. Ta preuve certes est authentique. ولكن استدلالك غير صحيح. Mais la façon dont tu t'en sers pour faire ce que tu fais n'est pas bonne. فاحتجيت بدليل صحيح على فعل غير صحيح. Tu as pris donc une preuve authentique, un verset, mais pour faire quelque chose qui ne l'est pas. أعطيكم مثال. Un autre exemple. حصل في زمن الصحابة. Il s'est passé à l'époque des Sahaba. روى الدارمي في سننه. Comme الدارمي dans ses Sunan l'a rapporté. أنا أبو موسى الأشعري. D'après Abu Musa al-Ash'ari. أتى إلى المسجد. Il est venu dans la mosquée. وإذا بقوم مجتمعين حلق. Et il y a vu donc des gens qui étaient en cercle. وإذا قائم بينهم يقول كبروا مئة. Et il y avait donc au milieu d'eux un homme debout qui disait dites Allahu Akbar 100 fois. سبحوا مئة. سبحان الله 100 fois. وكان عندهم حصى. Et ils avaient donc un حصى. Des petits cailloux. Hassa. Et ils faisaient donc leur manière d'évoquer Allah, leur takbir et leur tasbir, ils les comptaient avec des cailloux. Et celui qui était donc debout entre les cercles leur donnait l'ordre de dire Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, donc 100 fois, et ils comptaient eux avec les cailloux. Si on les voyait aujourd'hui, peut-être donc beaucoup d'entre nous diront Jazakum Allahu Khairan. Savez-vous ce qui s'est passé? Abu Musa al-Ash'ari est parti vers Abdullah ibn Mas'ud. وكان أمير الكوفة. qui était donc le chef de الكوفة. قال يا أبا عبد الرحمن أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير. il lui a dit donc Abdullah ibn Mas'ud, j'ai vu quelque chose يعني que tu détesterais, mais moi je ne vois que du bien. وش الأمر اللي أنكره؟ quelle est la chose donc qu'il a يعني blâmé؟ طريقة الذكر. la façon dont il faisait le zikr. وش الخير اللي هو شاف؟ Et quel est le bien qu'il a vu؟ الاجتماع في المسجد. Le rassemblement dans une mosquée. إذا من حيث الأصل يأتي شخص يقول يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيت لا يذكرون الله. Donc à la base quelqu'un il voit cela il va se dire يعني il va se rappeler la parole du prophète صلى الله عليه وسلم يعني de la récompense de ceux qui se rassemblent dans une maison d'Allah. دليل صحيح. La preuve est authentique. ولكن الفعل. Mais par contre, l'acte. قال أما إني رأيت أمرا أنكرته. الطريقة. Il a dit donc, يعني que cela était blâmable. أتى بالمسعود. Abdullah ibn Mas'ud est venu. رآهم. Il les a vus. قال ماذا تصنعون. Il leur a dit qu'est-ce que vous faites. Alors donc celui qui était debout donc s'est avancé vers lui. Et il a dit, nous rappelons d'Allah. Celui qui rapporte le hadith dit, Abdullah ibn Mas'ud leur a dit, comme elle est rapide donc votre destruction, ô la Ummah de Muhammad. Wallahi, l'antum ala milla ahda min Rasulullah. Leur dit par Allah, vous êtes sur une voie qui est meilleure, une guidée qui est meilleure que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aw annakum maftatihu bab dalalah. Ou alors plutôt, vous avez ouvert une porte à l'égarement. لاحظ عبارة الرسول عبارة ابن مسعود مفتتح يعني بداية الشر. Regardez donc ce qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud, il a dit vous êtes en train d'ouvrir une porte vers l'égarement. فقام أحدهم. L'un d'entre eux s'est levé. طبعا كلام ابن مسعود إيش معناه؟ Et quelle est la signification de la parole d'Ibn Mas'ud? أنتم على باب ضلالة. Bien sûr que vous êtes sur. أو أنتم أفضل من الرسول. Il leur a dit donc soit vous êtes meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit لا vous êtes sur l'égarement. Et bien sûr, comme il est impossible d'être meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes en train d'ouvrir une porte vers l'égarement. Il leur a donné donc deux choix, pas trois. Un d'entre eux donc s'est levé. Il lui a dit, ô Ibn Mas'ud, ô Abu Abdurrahman, il l'appelait par sa kunya. Nous ne voulons faire que du bien. C'est-à-dire donc qu'il visait ici la sincérité, l'exclusivité du culte. Et parmi les conditions de l'adoration, et que la personne dans son but soit sincère envers Allah. Et que cela soit, que la manière soit en conformité avec la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc seulement, il s'est donc servi seulement d'une condition. Et Ibn Mas'ud lui a dit, oui, mais il te manque une autre condition. Le fait qu'il y a une des deux conditions seulement présentes fait que l'adoration est rejetée. Il faut qu'il y ait donc les deux conditions réunies dans l'adoration, la sincérité et le suivi. Ils se sont servis de la sincérité. Et Ibn Mas'ud donc leur a répondu avec leur manque de suivi. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit donc, vous pensez donc être meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plutôt vous êtes donc en train d'ouvrir une porte vers l'égarement et vous ne suivez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils se sont servis de la sincérité et ont dit nous voulons faire que le bien, il n'a pas parlé concernant, il ne nous a pas blâmé concernant leur sincérité. Mais seulement la leçon qu'il leur a donnée donc, est maintenant prise par l'ensemble des savants pour répondre aux gens de Bid'a. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, radiyallahu anhu, et combien de gens veulent faire le bien mais n'y parviennent pas. Il faut donc obligatoirement qu'il y ait avec la sincérité le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a débattu avec eux. Il a dialogué avec eux. Il les a blâmés. Il leur a montré l'argument. Et ensuite donc il leur a dit, très certainement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre un peuple. Il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam, vous dénigrerez votre prière par rapport à la leur. Et ensuite donc il a donné les caractéristiques des khawarij. Il leur a dit, et il leur a dit donc, Ibn Mas'ud, et Abdullah ibn Mas'ud après avoir cité donc les awsaf, les caractéristiques des khawarij, a dit à ceux qui étaient donc assis en cercle en train de faire cette innovation, et en laissez-vous dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler. Le rapporteur du hadith dit, le rawi dit ensuite, il en dit que la plupart de ceux qui étaient assis dans cette mosquée et en cercle étaient ceux qui ont combattu contre les Ahl-Sunnah le jour de Nahrawan, la bataille de Nahrawan, ceux qui ont tué Ali. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك وصاكم به لعلكم تتقون هذا الصراط وهنا البدايات هذا صراط الله وهناك سبل أو مفتتحوا باب ضلالة افتتحوا الباب بالذكر المخالف للسنة حتى وصلوا في الأخير قولوا الخوارج هكذا لأن الطريق المستقيم إذا انحرف هذا يذهب مستقيم وهذا لا يزال في انحراف. Il leur a dit, radiallahu anhu, vous êtes en train d'ouvrir donc une porte vers l'égarement. Le droit chemin est le chemin d'Allah, donc est droit. Et ceci est mon chemin droit. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوا. Suivez-le et ne suivez pas les chemins qui divergent. Et eux donc, ils ont commencé à ouvrir une porte avec leur manière de se rappeler d'Allah. Ils ont commencé à s'égarer. Et l'égarement donc part, dévie du droit chemin pour aller et ne pas s'arrêter. من ضمن كلام ابن مسعود في نقاشه لهم. Il y a aussi donc parmi la parole d'Ibn Mas'ud dans leur débat avec eux. يقول هذه آنية رسول الله لن تنكسر. صلى الله عليه وسلم. Il leur a dit donc ceci sont les ceci donc sont les récipients du prophète صلى الله عليه وسلم. Ils ne sont pas encore brisés. وهذه ثيابه لم تبلع. Et ces vêtements ne sont pas encore usés. وهؤلاء صحابة متوافرون. Et ceux-là donc sont les compagnons, ils sont toujours présents. ما أسرع حركة. Il dit combien est rapide de votre destruction. Il voulait dire, radiallahu anhu, que l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam était extrêmement proche. Pourquoi est-ce que vous avez changé et vous avez remplacé? C'est pour ça qu'on voit que toujours les khawarij pensent qu'ils sont meilleurs que tous. Et ils ont tué les sahaba. من أمثال داعش الآن يقاتل المسلمين. يعني على exemple de داعش aujourd'hui qui tue les musulmans. يرون أنفسهم خيرا من الإسلام وأهله. Ils pensent qu'ils sont meilleurs que l'islam et les musulmans. بل حتى أبناء الإسلام استحلوا دماءهم. Ils ont même يعني ils rendent licite le sang des musulmans. البدعة. L'innovation. توبة. Repens-toi de ça. يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تاب من الشرك يتوب الله عليه. تاب من البدعة يتوب الله عليه لابد حتى يغفر الله لك أن تتوب. Oh toi qui t'es repenti du shirk, repens-toi aussi donc de l'innovation. Et donc si tu te la condition pour qu'Allah accepte ton repentir, c'est que tu délaisses l'innovation. كل الأنبياء أتوا لدعوة التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Tous les prophètes sont venus et ont appelé à l'unification d'Allah. Et nous avons très certainement envoyé à chaque communauté un messager afin de leur dire « Adorez Allah et délaissez l'adoration d'autres que lui. » Il faut que tu délaisses, tu te repentes du polythéisme et que tu crois à Allah, que tu l'unifies. Certains disent « Mais le shirk, c'est du passé. » C'était juste représenté par les statuettes de Quraysh. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le polythéisme. Et il a mis en garde qu'il y ait donc dans cette communauté du polythéisme. Allah a mis en garde contre le fait d'invoquer autre que lui. Et n'invoque pas en dehors d'Allah celui qui n'était ni utile ni nuisible. Le fait que tu invoques, que tu demandes de secours à un autre qu'Allah, ceci est du polythéisme. Qui est-ce qui dissipe les soucis? Qui est-ce qui guérit le malade? Qui est-ce qui te donne ta subsistance? Qui te donne? C'est Allah. Il y a aujourd'hui des gens qui pensent que, cela, que tout cela se trouve dans les pieux et dans les alliés. Et qui donc demandent le secours à eux en dehors d'Allah. Et qui donc en leur nom égorgent auprès de eux. Et qui ont des fêtes spécialement pour eux dans l'année. Et ils espèrent en cela la bénédiction. Alors que la bénédiction vient d'Allah. Et elle n'est pas donc dans les créatures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de son vivant, disait à sa fille Fatima, radiallahu anha, demande-moi ce que tu veux, mais sache que je ne pourrai être utile en dehors d'Allah. Alors qu'il était vivant, il lui disait cela. Et maintenant, ils disent que non, il est utile alors qu'il est mort. Il disait cela à sa fille lors de son vivant, qui ne lui serait pas utile en dehors d'Allah. Il pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam détient la science de l'invisible. Alors que lui-même dit de lui-même qu'il ne sait pas. Alors qu'il est vivant. Il était vivant lorsqu'il disait cela, et comment est-ce qu'aujourd'hui peuvent dire cela alors qu'il est mort? Même Yom al-Qiyamah, il dira cela, qu'il ne sait pas. Et les anges diront la même chose. Et donc les anges lui diront, tu ne sais pas ce que les gens ont fait après toi. Yom al-Qiyamah. Et Allah dit à son sujet, et si je connaissais l'invisible, alors j'aurais amassé le bien. Oh mes serviteurs qui vous avez fait du mal à vous-même, repentez-vous. Et donc il faut se repentir du shirk et aller vers le tawhid. Et il est le tout pardonneur pour celui qui se repent. Il faut donc se repentir. Certaines personnes, si on leur demandait quel est le jugement du polythéisme, ils diraient qu'Allah nous en préserve, ceci est interdit, celui qui le fait est en enfer. Il te dit cela alors que peut-être il égorge auprès d'une tombe. Est-ce que celui-là connaît réellement la signification du shirk? Il connaît son jugement. Mais est-ce qu'il connaît son sens? Beaucoup de gens aujourd'hui donc ne connaissent pas le sens du shirk. De même que les innovations. Aujourd'hui donc si on vient et les gens disent que les choses les plus mauvaises sont les choses inventées, et que les choses inventées sont des innovations, et que chaque innovation est égarement, et que chaque égarement est un enfer. Et juste après cela, donc, il fait des choses, pourtant, qui ne sont pas venues ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des compagnons. Est-ce que celui-là, est-ce qu'il connaît la réalité de l'innovation? Il connaît son jugement, mais pas sa réalité. Peut-être que celui-là donc, va faire des innovations à certaines périodes de l'année. Il connaît le sens de l'innovation. Il connaît donc le jugement de l'innovation, mais pourtant il ne connaît pas son sens. Il dit, Allah dit ensuite, donc, et pour celui qui se repent et qui croit. Donc il faut se repentir du péché, regretter, عدم العودة إلى الذنب. et ne pas y retourner. والاستمرار فإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى استمر. Et ensuite donc il faut persister et continuer sur le droit chemin après cela. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني التزم بالعمل الصالح. Et donc ensuite la personne après avoir fait les bonnes actions آمن ثم اهتدى, il faut qu'elle reste sur le droit chemin. إذا ما هي الذنوب أعظمها الشرك ثم البدع ثم نأتي للنوع الثالث. Quels sont donc les péchés? Le plus grave est le polythéisme, vient ensuite l'innovation et nous venons donc à la troisième catégorie des péchés. Al-kaba'ir. Qui sont les grands péchés, al-kaba'ir. من القتل وهو أكبر الكبائر القتل الكبائر كبيرها الشرك ثم يليها القتل. Et parmi les grands péchés, le plus grave est le polythéisme et vient ensuite l'assassinat. ولذلك لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال العبد في فسحة من دينه يعني له مجال لكنه إذا قتل لا يفلته الله. Et donc la personne ne cesse d'être correctement dans sa religion jusqu'à ce qu'elle n'assassine une personne interdite. L'assassinat est le plus grave des péchés après le polythéisme. Que signifie le grand péché ? الشرك عرفنا أنه أن تجعل لله ندا وقد خلقك. Nous connaissons la signification du shirk, c'est que tu donnes un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. البدعة طريقة في الدين مخترعة. Et l'innovation, nous connaissons sa signification aussi, c'est une méthodologie inventée dans la religion. يضاهى بها الطريقة الشرعية. Qui imite la méthodologie dans la religion. Sur lequel il n'y a aucun texte authentique. Ni sur à la base, ni dans sa manière. En effet, donc la base, c'est par exemple le dhikr. Et la façon de le faire, yani c'est al-wasf. Nous arrivons donc au troisième, la troisième catégorie, ce sont les grands péchés. Que signifie un grand péché ? Le grand péché est toute parole ou acte dans lequel il est venu. حد un châtiment أو لعنة une malédiction أو عقوبة ou une punition أو وعيد شديد ou une menace grave وعيد. Il répète ما هي الكبيرة. Que signifie le grand péché? كل قول c'est chaque parole أو فعل ou acte ورد فيه dans lequel il a été rapporté حد. Soit un châtiment أو لعن. Ou une malédiction أو عقوبة. Ou une punition أو وعيد شديد. Ou une menace grave. ما معنى هذا؟ Que signifie cela? كل قول متعلق بأقوال اللسان. Toute parole والقلب. Qu'elle vienne du cœur ou de la langue. كل فعل متعلق بالجوارح. Et chaque acte qui sont commis par nos membres. Et parmi ceux-là, les actes du cœur également, dans lesquels il a été rapporté, soit un verset, soit un hadith authentique, donc dans lequel il a été rapporté un had. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est une punition, un châtiment qui a été donc légiféré par Al-Shari', par le légiférateur. رجم الجلد الشارب الخمر، كل هذه العقوبات اللي وردت هذه اسمها حد. يعني الاكزامبل دو حد سي دونك لا لابيداسيون دو لوم او دو لا فام ادولتير، le fait de couper la main au voleur ou de frapper celui qui boit de l'alcool ou de tuer l'assassin. بدل ما اقول القتل والزنا والخمر واعدد الذنوب التي وردت فيها حدود، اقول كل ما ورد فيه حد، لان يدخل تحت القائمه هذه عدد كبير من الكبائر ولا لا. Donc dans cette signification rentrent beaucoup de péchés. Ce n'est pas la peine de tous les citer, mais on comprend bien que c'est tous ceux qui sont sous les textes des hudud. Ou alors sous les textes de la malédiction. Ceux qui sont maudits dans le Coran et dans la Sunna. Et ceci est nombreux, plus de 70 ou 80 donc sont concernés par la malédiction dans le Coran et la Sunna. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من أتم رأته في دبرها، لعن الله لعن الله لعن الله. كل من ورد فيه لعن يدل على أن هذا الفعل الذي فعله الذي أوجب أن حلت عليه اللعنة أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. Donc celui qui a fait tous les péchés sur lesquels il y a la malédiction, comme le fait donc de changer les signes, les alamat al-ard, les signes de la terre, les directions, le fait de dégorger pour un autre qu'Allah, et d'autres textes similaires, tout cela donc sont sous la, tous ceux qui le font sont sous la malédiction d'Allah. La la'natullah al-kadibin, la la'natullah. Kull al-mal'unin fil Qur'an yadil 'ala annahu waqa' fi dhanbin kabir. Comme la malédiction d'Allah sur les menteurs, et tout ce qu'il y a donc dans le Coran comme malédiction, celui qui le fait, il tombera donc parmi le nombre des maudits, et il aura mérité la malédiction. Ou alors une punition. Les punitions sont nombreuses. Elles peuvent être dans la vie d'ici-bas, ou dans la tombe, ou dans l'au-delà. Exemple de cela, l'homme orgueilleux. الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما وجده يحمل الإناء بشماله. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a vu donc un homme boire avec porter donc un récipient avec sa main gauche. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اشرب بيمينك. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit bois avec ta main droite. قال لا أستطيع فشرب بشماله. Et il lui a dit je ne peux pas, et il a bu avec sa main gauche. Il était orgueilleux. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لاستطعت. Et le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit bien sûr tu pouvais. فشلت يده. شلت. Et donc sa main s'est paralysée. ساعدك. أثابهم الله. فشلت يده. Donc sa main fut paralysée, sa main gauche fut paralysée. Sa main droite. اليمنى. اي نعم. قال لا استطيع. قال لا استطاع. فجعل العقوبه على يده اليمين. فدل على انه وقع في كبيره ان من شرب بشماله كبرياء فهذا واقع في كبيره. يعني cela veut dire comme l'homme a vu sa main droite paralysée alors qu'il pouvait boire avec sa main droite, donc cela veut dire qu'il est tombé donc dans un grand péché. او عقوبه برزخيه. Ou alors donc une punition dans la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté de deux tombes. Il a dit, ceux-là donc sont très, très certainement en train d'être châtiés, punis. وما يعذبان في كبير أما إنه لكبير كان أحدهم لا يستتر من البول. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que ces deux-là sont punis à cause d'un grand péché. L'un d'entre eux ne se protégeait pas de l'urine, et l'autre marchait entre les gens avec un namim, avec la calomnie. Un namim, نقل الكلام بين الناس على وجه الوقيعة والفرقة. Celui qui commet un namim, c'est celui donc qui transporte les paroles des gens dans le but de séparer. لا يستتر من البول يعني بوله يرجع على بعض ثيابه. Et celui qui ne se protège pas de l'urine, c'est-à-dire lorsqu'il urine, Eh bien, donc, il ne se protège pas des éclaboussures de l'urine sur ses propres vêtements. Donc, chacun d'entre nous, lorsqu'on rentre au hammam, dans les toilettes, eh bien, il faut que l'on fasse très attention à ne pas recevoir d'éclaboussures de l'urine. انتبهوا لنفسكم ترى مهمة جدا مسألة الاستتار من البول ما يقطر على ثيابه شيء يروح يصلي فيها أو فيها نجاسة. Ceci est très important et il faut y prendre vraiment garde que on ne soit pas éclaboussé par de l'urine et ensuite donc on fasse la prière dans cet état-là. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من شجرة نخل غصن جليدة نخلة فأخذه وجعله على قبر أحدهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une branche d'un palmier et il l'a planté devant une tombe. Et il l'a mis aussi donc devant la seconde tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cela donc aurait un châtiment allégé jusqu'à ce que la branche sèche. Concernant l'innovation maintenant, بعض الناس اليوم certains aujourd'hui إذا مات ميت lorsque quelqu'un meurt غرس على قبره جريدة نخل. Certains donc يعني font le même geste, plantent des branches devant la tombe du mort. سمعتوا بهذا ولا ما سمعتوا؟ Est-ce que vous connaissez cela؟ شي يحتاج به؟ De quoi est-ce qu'il se sert pour faire cela؟ أن الرسول فعل هذا. Il se sert de cela, il se sert donc de l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela dans deux tombes pour lesquelles donc il était informé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était une information venant yani, qui était invisible. Yani, quelque chose de miraculeux. Yani, maintenant, toi, en faisant cela, yani, tu as jugé la mauvaise destination et la mauvaise fin de ce mort-là. Et comment est-ce que tu sais cela? Est-ce que ça veut dire qu'il est en train de se faire châtier? Ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, lui était spécifique, spécial à lui. Ceci donc venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous en faisant cela, on accuse nos morts donc du châtiment, qui sont en train de se faire châtier. Ceci donc est faux et ceci donc est une innovation si cela est fait. العذاب يعذب عقوبة كذا الزنا في التنور الذي تقطع أشتاقهم الذين كلهم وصف لهم ذنوب. Donc les grands péchés sont notamment les punitions qu'il y a dans la vie d'ici-bas et dans la vie de la tombe, le barzakh, et dans la vie de l'au-delà. يعني الذين ذكرت عقوبات ذنوبهم كالكذاب الذي يتدهده رأسه ويصع بين حجرين وك الذي لا يخرج الزكاة تسعر بها صاحب الغنم صاحب الإبل صاحب الذهب تجعل الجرة من النار وهكذا كل العقوبات التي وردت. Et regardez donc pour cela ce qui a été rapporté dans les textes, yani comme punition, comme pour le menteur, comme pour le grand menteur et comme pour celui également qui ne sort pas sa zakat. إذن الكبيرة هي كل قول أو فعل ورد فيه حد أو لعن أو عقوبة أو وعيد شديد. Donc le grand péché, nous répétons sa définition, c'est chaque péché sous lequel donc il y a pour lequel il y a un texte yani qui donc de châtiment, de punition, de malédiction ou de menace dure. ما معنى وعيد شديد؟ Que signifie donc la menace dure؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. Exemple de cela, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura trois personnes, Allah ne leur parle pas, ne leur parlera pas, ne les regardera pas, et ils auront un châtiment douloureux. Wa'id. Ceci est une menace. Man hum, khabu wa khasru ya Rasulallah. Ni qui sont-ils? Ils sont dans la perdition, ô messager d'Allah. قال المنفق المنان المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمسف الإزارة. المنان celui qui rappelle le bienfait après avoir donné, celui qui jure pour vendre sa marchandise et celui qui a le pantalon en dessous des chevilles. ما معنى المنان؟ Que signifie donc ce terme de المنان؟ أنا أعطيتك أنا سويت بك أنا فعلت بك أنا أنا أنا أنا يمن عليك. C'est celui qui vient et qui te dit moi j'ai fait ça pour toi, je t'ai donné ceci, je t'ai donné cela. C'est ça Al-Mannan. Alors que la base entre les gens, c'est le mérite et les bienfaits qui se font entre eux. Et la personne qui fait cela, donc, est bienfaitrice. Et avec cette méthodologie, la personne donc cherche à t'humilier. Alors que la base, c'est qu'elle fait donc un acte de bienfaisance. C'est comme si elle disait, si seulement je t'avais pas donné ou si seulement j'avais pas fait ça pour toi. C'est ce que signifie donc Al-Man. Ou celui donc, pardon, qui jure par Allah forcément pour vendre sa marchandise. Wallahi mumtaza. Wallahi ana ma khada bkhida ou ishtara bkhida. Wallah, wallah. Ibi' bil kadib. C'est celui donc qui va dire je te jure par Allah que est-ce que je te vends c'est bien ou alors que je l'ai non, que ceci donc est une bonne marchandise et il le jure par Allah mais il ment. Il a pris un verre d'eau pour il a acheté 1 euro et il te le vend à 15 euros et il te jure par Allah en mentant qu'il l'a acheté non pas 1 euro mais 10. Pour lui, ce n'est pas une grande marge, une grande différence. Même par rapport à son capital. Parce que la base, c'est que les gens font confiance à la personne lorsqu'ils jurent. Et donc cela, donc cet acte-là, fait partie des grands. Cet acte-là fait partie de... Cet acte-là fait donc partie des grands péchés. Allah ne lui parlera pas, ne le regardera pas, et ils auront un douloureux châtiment. Et celui qui laisse traîner son pantalon en dessous des chevilles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tout ce qui se trouve en dessous des chevilles est un enfer. ما أسفل الكعبين بعضهم ينزلها أصبع أو أصبعين تحت الكعبين أصبع واحد أرفع إزاري ويرضى علي ربي وإذا نزلتها يغضب علي ربي سمع وطاع لك يا ربي. La personne donc va se poser cette question là, va se dire de l'espace de deux doigts si je lève mon pantalon alors Allah donc va m'agréer et si je le baisse donc en dessous des chevilles de l'espace de deux doigts Allah va se mettre en colère. Alors qu'est-ce que je choisis? Eh bien de le relever et j'obéis et j'écoute et j'obéis. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a mis en garde contre cela. Il faut donc répondre favorablement à cela. Et si tu ne le fais pas, alors donc tu es sous la menace. Celui donc, ce texte montre donc que celui qui laisse ses vêtements par orgueil en dessous de ses chevilles, et bien donc sera en enfer. Et le isbal, le fait de traîner, le fait de faire dépasser son vêtement, c'est un acte d'orgueilleux. Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, donc des fois son izar est dépassé. Et chaque fois qu'il tombait un petit peu, il le relevait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait tu n'es pas concerné par le hadith. Mais malgré cela, donc, il faisait attention à le relever. لأنها كانت عبارة عن أوزرة تربط كل لحظة. Yani les vêtements de l'époque devaient être donc des vêtements qui devaient souvent être noués. Ce n'étaient pas donc les vêtements qu'on a qui sont attachés et bien cousus comme aujourd'hui. Donc fais attention à toi-même. Il faut que ton vêtement soit un vêtement qui te couvre et qui soit donc de la façon qui est agréée à Allah. ولذلك تحصل كثير من الأشياء التي يمارسها الإنسان وهو لا يبالي بها. Beaucoup de choses sont faites par les gens et malheureusement donc on n'y fait que très peu attention. الواجب عليك التوبة والاستغفار. Et de cela donc il nous est obligatoire de se repentir. نرجع إلى الآية التي تلاها الإمام. Nous revenons donc au verset qui a été lu par l'imam au Maghrib. قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Dis ô mes serviteurs qui vous êtes fait outrageusement du mal à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Très certainement, Allah pardonne tous les péchés. فتتوب من هذا كله. Repens-toi de tout cela. حتى تحقق التوحيد. De manière à concrétiser l'unification d'Allah. فإذا حققت التوحيد. Lorsque tu concrétises le tawhid. دخلت الجنة. Tu rentreras au paradis sans jugement ni châtiment. Et qu'Allah donc fasse que nous en faisions partie. Et par quoi donc se concrétise le tawhid? Yani qu'il ne annule pas son tawhid avec du grand polythéisme. Et que ne soit pas amoindri le tawhid complet par du petit polythéisme. Et non plus donc ne pas amoindrir ce qui nous est demandé de manière obligatoire donc par une innovation ou par un petit péché ou un grand péché. Nous connaissons le grand péché. Quel est donc le petit péché maintenant? هي كل قول أو فعل. Le petit péché est chaque parole ou acte. لم يرد فيه. Pour lequel il n'a pas été mentionné. حد. Un châtiment. ولا لعن. Ou une malédiction. ولا عقوبة. Ou une punition. ولا وعيد شديد. Ou une dure menace. فهو صغيرة. Donc tout cela est un petit péché. Celui qui par contre continue et persiste sur un petit péché, cela donc va l'entraîner et l'amener au grand péché. C'est pour cela donc qu'il ne faut pas être négligent concernant les péchés et les erreurs et les glissements. Yani peu importe ce qu'il arrive de toi. كنت كذلك نلت هذه الآية. Et si donc tu es comme ça, فإذا فعلت ذلك نلت فضل هذه الآية يعني التوبة من هذا كله. Et donc si tu te t'écartes de tout cela, alors tu seras donc dans cela correspondra au verset. والله تبارك وتعالى أكرمنا بفضائل كثيرة. Et Allah nous a honorés par de nombreux bienfaits. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit de la prière à l'autre prière. والجمعة إلى الجمعة. Du vendredi à l'autre vendredi. ورمضان إلى رمضان. Et du Ramadan à l'autre Ramadan. والعمرة إلى العمرة. Et de la Umrah jusqu'à l'autre Umrah. والحج. Et le pèlerinage jusqu'au prochain pèlerinage sont des expiations pour ce qu'il y a entre. Tant que les grands péchés sont délaissés, ceci donc est le grand bienfait d'Allah. Et donc son bien est immense. Et nous arrivons donc vers un mois et nous demandons à Allah de nous faire vivre ce mois. C'est une époque parmi les époques de la miséricorde. ويصلح شأننا وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما يرضى. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم وفقنا لمرضيك وأعنا على طاعتك. وأدعو الجميع إلى أن يكثروا من الاستغفار والأوبة إلى الله والمبادرة بالرجوع إلى بلاد الإسلام. أسأل الله يوفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كم بقي على الآن؟ دقيقتين. ها؟ أذان؟ وين المؤذن؟ طويل. ها؟ بقي ثلاث دقائق. طيب، عندي أسئلة. ذكرنا تعريف الكبيرة. من يعرف الكبيرة؟ ذكرنا تعريف الكبيرة. من يعرف الكبيرة؟ Qu'est-ce qui peut redonner la définition du grand péché, le kabira? من يعرفها؟ نعم. قول أو فعل. ورد. حد. أو لعن. لا، مو بحد لعن. لا، حد أو لعن أو عقوبة. أو عقوبة. أو وعيد. من اللي ساعدك الأخير؟ يعني في تعاون بينكم جميل. طيب، من يبين قوله كل حد؟ مش معنى كل حد، مش الحد. Que signifie donc sa parole sallallahu alayhi wa sallam, la parole des savants, donc chaque châtiment, had. عقوبة قدرها الشر، مثل قتل القاتل، أيوة، السارق، الزاني، شرب الخمر، أيضا رمي المحصنات، جلد الثمانين، أن يقول فلانة زانية وهي ما زنت، افترى عليها، هذا أيضا يجلد. طيب، العقوبات قسمتها لكم كم نوع؟ ثلاث أقسام، إما عقوبة إيش؟ دنيوية. دنيوية، عقوبة برزخية، عقوبة أخروية، وذكرنا. طيب، اذكر المثالين في العقوبة البرزخية، وش هي؟ ها؟ نعم. الأول؟ النمام، والثاني؟ طيب، ذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونبهت على بدعة الناس تمارسها اليوم، وش هي؟ ها؟ الجريدة. من حيث الأصل موجود دليل، لكن من حيث الوصف لا يطابق، هذا خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، ذكرنا تحقيق التوحيد وعرفنا بماذا يحقق التوحيد. خلصت الدقيقتين ولا باقي؟ تحقيق التوحيد أن لا ينقض أصله بشرك أكبر، ولا ينقص كماله بشرك أصغر، ولا يخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. فبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. يؤذن المؤذن، وبعد الصلاة أستودعكم الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأنا سعيد جدا بزيارتي لهذا المسجد وإخواني، وأشكر وأكرر شكري للقائمين على هذا المسجد أذانا وإمامة وتهيئة، الله يجزيهم خير. الملائكة في سجد القبر.